Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le collectif Rosa Bonheur. Je vous présente individuellement, enfin en personne de donc Anne Bory, Blandine Mortin et Cécile Vignal, donc, qui est un collectif de recherche interdisciplinaire, composé de sociologues et de géographes, si je ne me trompe pas. Oui, il y a majoritairement des sociologues, mais il y a quand même quelques géographes, il m'avait semblé. Ouais. Donc principalement membre du CLERC, un laboratoire qui est situé à Lille. Du point de vue de la sociologie, si j'ai bien compris, vous vous situez dans diverses filiations, sociologie du travail, sociologie des mobilisations, sociologie de la famille, du système éducatif. Enfin, vous êtes un peu inspiré de tous ces moments-là. Donc ce projet de recherche collectif s'inscrit dans un projet international où il est question du mode d'organisation de la vie des classes populaires dans des territoires désindustrialisés, avec donc trois sites en particulier. Donc vous allez vous concentrer sur Roubaix, mais il y a également tout un travail autour de La Matanza, qui est un quartier situé en banlieue de Buenos Aires en Argentine, et un autre quartier qui s'appelle Coslada, en banlieue de Madrid. Et c'était un peu pour lancer un peu la discussion. Je pense qu'il y a quelques éléments que vous avez déjà donnés dans cet article, comment étudier les classes populaires aujourd'hui, une démarche démographique comparée. Ce qui vous a aussi paru intéressant et que je tiens à souligner là maintenant dès l'introduction, c'est que vous avez constitué un collectif de recherche, donc Rosa Bonheur, donc, qui visait dans sa manière de fonctionner, à essayer de se situer en opposition à tout un tas de politiques de la recherche aujourd'hui qui cherchent à favoriser les évaluations individuelles. Et c'est d'où le fait que voilà, vous signez collectif Rosa Bonheur quand vous écrivez donc vos articles, en l'occurrence celui-là. Peut-être que vous en avez écrit d'autres depuis, mais je ne sais pas. Voilà, je vous laisse la parole. Ben merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. J'ai gagné quelques minutes sur le début de ce que je devais dire. Donc effectivement, comme tu l'as dit, donc on forme un collectif qui est essentiellement composé de sociologues, mais effectivement on travaille avec un collègue géographe, pas sur tous les sujets, mais notamment sur une publication qui va sortir, donc qui s'appelle Johan Mio. Et donc, n'ont pas pu venir aujourd'hui, sans excuse, José Calderón et Juliette Verdière, qui sont aussi sociologues au CLERC. Voilà. L'idée, c'est que, dans une introduction, je vous présente un petit peu donc, cette recherche, j'en dis quelques mots, un peu Roubaix, pour avoir un petit peu quelques éléments de cadrage, notre enquête et nos enquêtés, et puis pour lancer un peu quel est l'angle d'attaque qu'on a choisi pour cette communication, puis après on se passera la parole l'une l'autre. Donc comme tu l'as dit, on s'intéresse aux pratiques d'organisation quotidienne en milieu populaire avec un point de vue qu'on qualifie de non misérabiliste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plutôt à ce que les gens font et ce qu'ils ont plutôt qu'à ce qu'ils ne font pas et qu'ils n'ont pas. On les étudie en plein plutôt qu'en creux. Et effectivement, en territoire désindustrialisé, ce qui est le point de rencontre entre notre équipe et une équipe argentine et une équipe espagnole. Donc nous, on s'occupe que du terrain roubaisien, mais effectivement, on a des dialogues réguliers avec deux autres équipes. Et donc ce qui réunit ces équipes, c'est effectivement les classes populaires en territoire désindustrialisé avec une approche territoriale. Et dans les trois cas, avec un travail collectif. Donc je ne reviens pas sur ce que tu l'as évoqué, sur les différentes spécialités ou les différents sous-champs de la sociologie dont on vient. J'en ajoute juste un par rapport à ce que tu as dit, c'est les thématiques autour de la ville et du logement, donc qui s'ajoutent à travail, engagement, famille, éducation, tout ça. Alors, peut-être quelques mots sur Roubaix. Roubaix, c'est une ville de 95 000 habitants qui est... une espèce d'emblème de la désindustrialisation dans le nord de la France et en France en général, puisque c'était le fleuron, l'un des fleurons, voire le fleuron de l'industrie textile française, et qu'aujourd'hui c'est une des villes les plus pauvres, voire la plus pauvre de France, donc pauvreté qu'on peut appréhender à partir de différents indicateurs. Alors on s'est posé la question de savoir justement, tu demandais pour un rétroprojecteur si on allait vous les projeter, puis on s'est dit que non, puisque c'est pas ça qu'on veut que vous reteniez. Mais malgré tout, pour quand même que vous ayez une idée, donc le revenu fiscal moyen par unité de consommation, il est de 9 500 euros, la médiane est à 13 000 euros. Près de 10% de la population vit exclusivement des aides sociales. Et le taux de pauvreté des ménages est de 46% contre 13% pour la moyenne nationale. Donc la différence est vraiment importante. Avec un taux de chômage de 30% en 2011 et un taux d'inactivité de 36% pour les 15-55 ans. Moins de propriétaires qu'ailleurs en France, moins de diplômés qu'ailleurs en France. Et beaucoup moins de ménages avec une voiture qu'ailleurs en France. Donc, voilà, pour vous donner... Vous donner une idée de ce territoire. Même si c'est un territoire désindustrialisé, ça reste une ville de classe populaire, puisque 69% de la population active est soit employée, soit ouvrière. Donc tous ces chiffres, c'est des chiffres de 2011, mais les choses ont très très marginalement évolué depuis. Donc 69% contre 51% en moyenne nationale, donc on est significativement plus employés et ouvriers à Roubaix qu'ailleurs. Roubaix est également une ville plus jeune que la moyenne, où les familles nombreuses sont plus importantes. Donc voilà, des indicateurs classiques de territoire populaire, un peu majorés par rapport à la plupart des territoires populaires qu'on peut étudier ailleurs, notamment en banlieue parisienne. Et un peu aussi, de façon un peu surprenante, une forte population immigrée ou d'origine immigrée est essentiellement maghrébine. Et au sein de la population maghrébine, essentiellement algérienne ou d'origine algérienne. Alors, comment est-ce qu'on s'est attaqué à cette enquête? Donc, c'est une enquête qui a commencé le terrain au printemps 2011. Et qui a commencé par un premier temps de découverte du territoire, de prospection, un petit peu tous azimuts. Puis après, on a commencé à recentrer, et à recentrer de façon assez pragmatique, en fait, sur les entrées qui nous permettaient, a priori, d'accéder le plus facilement aux pratiques quotidiennes et relativement invisibilisées de gens, alors avec tous les guillemets qu'il faut autour, mais ordinaires. Et notamment en abandonnant autant que possible les situations les plus institutionnalisées, et donc en se centrant sur des opportunités de terrain qui s'ouvraient plus facilement que d'autres. Donc voilà, on n'a pas, par rapport à ce qu'on avait prévu au début, on n'a pas vraiment fait. On n'a pas exploité toutes les entrées qu'on avait envisagées au début. Il y en a qu'on a exploité beaucoup plus que ce qu'on pensait au début. Bref, ça s'est fait un peu au fil du temps et des opportunités. Et pour ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, le matériau qu'on mobilise, il est essentiellement issu, quasiment l'intégralité d'un terrain, qui en fait sont deux terrains, qui a consisté donc à un travail d'immersion dans deux centres sociaux de deux quartiers différents de Roubaix, alors qu'on a appelé ici le Bout et le Plat. Alors je vais y revenir, et puis un petit terrain qui en quantité est vraiment tout à fait négligeable par rapport au terrain centres sociaux, qui a été de faire de l'observation participante dans des distributions de nourriture du secours populaire. Distribution qui nous permettait de recroiser en fait certaines de nos enquêtées des centres sociaux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce terrain-là. Alors sur ce terrain centre social, peut-être pour vous dire, alors comme dans beaucoup d'endroits, mais comme il y a parfois une ambiguïté sur le statut des centres sociaux, donc ces deux centres sociaux-là, c'est des associations donc, qui ont des liens étroits avec la municipalité, mais qui ne sont pas des centres sociaux municipaux, qui sont donc financés essentiellement par la CAF, comme beaucoup de centres sociaux, et qui ont comme mission donc, l'accueil des enfants hors du temps scolaire, ainsi que la gestion du RSA et d'une série d'activités pour les adultes et les familles. Peut-être qu'au fil du propos, on pourra, il y aura des exemples de certaines de ces activités et on peut y revenir dans la discussion après si vous le souhaitez. Et donc, la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on a eu une présence plus ou moins régulière et plus ou moins de longue durée dans certains de ces ateliers pour observer des groupes de femmes qui se réunissent. Soit pour participer à des ateliers thématiques, soit pour des ateliers qui sont ouvertement des ateliers de discussion entre elles. Ce qui nous a permis de les voir discuter, échanger, ce qui nous a permis aussi de participer avec elles à un certain nombre d'activités, confection de repas, sorties, travaux manuels. Qui a permis aussi, beaucoup plus ponctuellement, de les suivre dans certaines de leurs activités quotidiennes, notamment les courses. Voilà pour le terrain, l'essentiel du terrain qu'on va mobiliser là, donc qui ne résume pas tout le terrain fait par Rosa Bonheur à Roubaix, c'est celui-là dont on va se servir particulièrement aujourd'hui, puisque de fait, c'est notre entrée la plus féminine sur notre terrain. L'autre terrain dont certaines ont entendu parler dans un autre séminaire, c'est un terrain sur la mécanique, des activités de mécanique automobile, qui est plutôt un terrain masculin, de façon assez peu surprenante. Qui sont nos enquêtés ES ? Ce sont des mères de famille, de milieux populaires, qui, pour l'immense majorité d'entre elles, sont éloignées, voire très éloignées du salariat. Donc entre 2011 et aujourd'hui, on a rencontré 70 femmes, dont une trentaine ont fait l'objet de rencontres et d'entretiens répétés. Donc le degré de connaissance et d'interconnaissance qu'on peut avoir avec elles est assez variable et assez inégal sur l'ensemble des 70. Elles appartiennent à des ménages aux ressources très faibles. Leurs conjoints travaillent parfois par intermittence et avec un niveau de qualification assez bas. Et elles-mêmes n'ont pas eu très peu d'activités salariées. Dans quelques cas, elles ont occupé des emplois aidés ou précaires, mais globalement, c'est un lien personnel très ténu avec le salariat. Dans leur majorité, elles sont allocataires du RSA et elles dépendent de la CMU. On estime, à peu près, donc 6 femmes sur 10 sont originaires du Maghreb. Elles vivent généralement en France de longue date, certaines y sont nées, ou bien elles y sont arrivées lorsqu'elles étaient enfants ou très jeunes adultes pour se marier. Donc parmi ces 6 femmes sur 10. Et celles qui sont nées ici, leur père faisait partie de la main-d'œuvre ouvrière qui est arrivée en France dans les années 50-60 et donc significativement pour Roubaix, pour travailler dans des usines textiles pendant ces années-là. Alors ça, c'est les points communs à nos deux terrains. Néanmoins, les deux quartiers, les deux centres sociaux varient. Nos enquêtés au sein des deux centres sociaux ont des caractéristiques un peu différentes. Dans le quartier du Bout, ce sont essentiellement des femmes. Alors, on pourra revenir sur la qualification de l'ethnicité sur notre terrain, qui est un problème compliqué pour nous, ça reste. Essentiellement dans ce centre social, ce sont des femmes qui se qualifient comme arabes, c'est-à-dire qu'elles sont maghrébines ou d'origine maghrébine et musulmanes. Et elles sont quasiment toutes mariées, mères d'enfants d'âge varié, mais qui sont presque encore tous à charge. Donc elles peuvent avoir des enfants adolescents, voire jeunes adultes, mais la plupart sont encore à charge, et qui ont des revenus faibles, mais une insertion sociale forte, avec une pratique religieuse très présente dans leur vie quotidienne. Alors que dans le quartier du Plat, c'est une population beaucoup plus hétérogène, avec une moitié de, en fonction du vocabulaire qui est utilisé sur notre terrain, donc une moitié de blanches, à peu près un tiers de maghrébines et le reste sont turcs, portugaises, guinéennes, italiennes. Mais contrairement au quartier du Bout, une petite moitié vit seule, suite à un veuvage, un divorce, une séparation, et un tiers a plus de 70 ans. Donc, une population beaucoup moins homogène que celle du centre social du Bout. Elles ont un niveau de ressources plus faible et une insertion sociale moins forte ainsi qu'une pratique religieuse moins prégnante dans leur vie quotidienne. Alors, donc, je l'ai dit, elles ont un rapport distancié au salariat, ce qui fait que le travail salarié est absent ou presque de leur discours quand elles parlent d'elles-mêmes. En revanche, il est présent quand elles parlent de leurs enfants, pour celles qui ont des enfants qui sont un peu grands, parce que quand on parle des enfants, du coup, on parle de leur situation. Donc du coup, le travail salarié est présent quand on parle des enfants. Elles parlent assez peu de leur mari. Donc du coup, la question du travail salarié par le biais des maris, en fait, est assez absente des discussions. Donc à première vue, l'essentiel de leurs ressources est composé de prestations sociales, mais celles-ci ne suffiraient pas à maintenir, en tant que telles, ne suffiraient pas à maintenir le niveau de vie qu'on observe, niveau de vie qu'on peut qualifier de très modeste, mais qui n'est pas misérable, au sens où il n'est pas question, par exemple, de faim. Dans les discussions, des voyages scandent la vie des familles à intervalles. Alors réguliers, ça peut être tous les 2 ou 3 ans, mais néanmoins sont dans l'ordre des possibles. Et certains achats assez dispendieux, notamment pour les enfants, font aussi partie du quotidien. Et le maintien de ce niveau de vie, du coup, il suppose une mobilisation intense des femmes et de leur travail non salarié. Et du coup, quand on dit ça, on s'inscrit vraiment dans une perspective proche de celle d'Alain Cottereau et Mokhtar Marzouk dans leur livre Ethnocomptabilité d'une famille andalouse. Alors on n'a pas du tout fait d'ethnocomptabilité, mais en revanche le fait de porter le regard sur toutes les façons possibles de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles, ça on s'y retrouve vraiment bien dans cette démarche-là. Un élément à ajouter, c'est que leur fréquentation des centres sociaux, elle est parfois, mais assez souvent, liée au RSA, dont elles sont souvent bénéficiaires, puisque dans le volet insertion du RSA, ça implique le fait de participer à ce type d'activité. Donc autant elles sont laissées relativement tranquilles, entre guillemets, sur la dimension « trouver un emploi », mais la dimension participation citoyenne, qui porte souvent ce label-là, en revanche, est attendue d'elle. Donc ce qui fait qu'il y a bien un biais dans notre enquête, c'est qu'on a accès seulement aux femmes qui participent aux activités du centre social. Une partie d'entre elles le font en lien avec leur statut RSA, ce qui fait qu'on a sous les yeux des femmes à la fois plus intégrées socialement et aussi plus... intégrées au système d'assistance que d'autres femmes qui, elles, ne fréquentent pas le centre social. Donc tout ce qu'on va vous dire maintenant, c'est à partir de cette population-là qui a donc ces spécificités-là. Alors ces entrées centres sociales, centres sociaux, pour nous, elles sont une manière donc d'accéder au discours et aux pratiques de subsistance, je vais revenir sur ce terme, des femmes de milieu populaire. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles y racontent et ce qu'elles nous donnent à voir de leur vie quotidienne. C'est une façon de dire que, en fait, le fonctionnement des centres sociaux, les logiques institutionnelles, les relations avec les travailleurs sociaux, etc., nous intéressent pas tellement. Plus exactement, le fonctionnement des centres sociaux ne nous intéresse pas tellement. La question des rapports sociaux avec les travailleurs sociaux, des conflits de normes qu'il peut y avoir entre elles et les travailleurs, et pour l'essentiel les travailleuses sociales, font partie de nos observations, mais ne nous intéressent pas centralement dans ce qu'on va vous raconter maintenant. Alors, par travail de subsistance, qu'est-ce qu'on entend ? On entend toutes les pratiques sociales et toutes les activités orientées vers la recherche et la mobilisation des ressources disponibles sur le territoire, ressources tant matérielles que symboliques. Ces activités et la façon dont elles s'agencent correspondent à un travail d'organisation du quotidien et de production du vivre en société. Donc, on met sous cette étiquette l'ensemble des pratiques qui peuvent correspondre à cette définition, et on tente d'en rendre compte en partant de la manière dont nos enquêtés hiérarchisent eux-mêmes leurs besoins, de la manière dont elles, en l'occurrence, perçoivent leurs conditions d'existence et dont elles donnent sens à leurs pratiques et à leurs propres catégories et systèmes de valeurs. là, on va vous parler des femmes des centres sociaux, mais c'est une grille d'analyse qu'on applique à l'ensemble de notre recherche, et donc notamment aux hommes qui... Alors, je regarde Cécile pour le savoir parce que du coup, le terrain est un peu... voilà, parce que c'est un homme. Et que, donc, le terrain a été... On n'a pas tous fait tous les terrains. Donc, c'est aussi une grille d'analyse qu'on applique aux activités de mécanique automobile. Donc, dans la présentation qui va suivre, voilà, tout ça pour dire qu'on va se concentrer plutôt sur une description fine des tâches qui composent la part de ce travail de subsistance pris en charge par les femmes, donc pour ce qui concerne ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Mais que, d'une part, donc, les rapports sociaux avec les travailleurs sociaux, et d'autre part, le système normatif sous-jacent à leurs pratiques, le poids de la religion, les normes de parentalité, etc., ne sont pour le moment qu'une toile de fond dans une analyse qu'on est en train de commencer, en fait. Comme je le disais un peu dans l'escalier, enfin voilà, on a, en termes d'avancement dans la recherche, le terrain est pour l'essentiel bouclé aujourd'hui, et du coup on est dans la phase d'analyse, mais on est plutôt au début de cette phase-là, surtout pour ce terrain-là. Donc voilà, on vous présente un peu là où on en est. Donc il va s'agir de présenter dans un premier temps donc, le travail réalisé par ces femmes, en insistant sur d'abord la diversité et la complexité de ces tâches, puis sur leur ancrage local dans un réseau relationnel et dans un territoire, et sur la temporalité de ces tâches, du coup, en lien avec la question des routines. Et dans un deuxième temps, on s'attachera à nuancer une vision qui pourrait être trop figée de la notion de routine comme quelque chose d'immuable qui se répète tel quel, en situant ces pratiques dans un contexte qui oblige les femmes à des négociations permanentes, et on verra avec qui, et par rapport à quoi, et puis en rendant compte de la fragilité de ces routines et de la fréquence des remises en cause et des ruptures auxquelles elles se confrontent. Et en conclusion, on reviendra sur le lien problématique entre cette question des routines et notre travail d'enquête. Et je passe la parole à Blandine. Et donc c'est moi qui vais commencer à rendre compte donc, du travail de subsistance qui est mené par ces femmes en vous décrivant par le menu les activités quotidiennes dont elles ont la charge avant de les inscrire donc, dans leur ancrage local et dans le temps. Donc il s'agit dans un premier temps donc, d'entrer dans les routines à partir de la vie quotidienne des femmes telle qu'elle se donne à voir sur notre terrain, alors soit dans les discours qu'elles nous racontent, soit dans les pratiques, quand on observe directement les pratiques. Et ces activités, donc, on les décrit délibérément comme du travail, parce qu'il nous semble qu'elles en possèdent bien les caractéristiques essentielles, même si on n'est pas dans le cadre d'un emploi. C'est-à-dire qu'il y a des tâches à effectuer, il y a des savoir-faire qui sont mis en œuvre, qui permettent un cumul d'expériences, il y a du temps qui est contraint, il y a une hiérarchie des rapports sociaux qui sont induits, et le vocabulaire pour en parler est bien un vocabulaire qui appartient au registre du travail. Donc on a classé l'ensemble de ces tâches en cinq paquets, en cinq points. Le travail des papiers, le travail de consommation, le travail domestique, le travail d'entretien de la santé et le travail parental. Donc je vais commencer par le travail des papiers. Donc le travail des papiers, c'est le travail pour activer les droits sociaux, puisque donc, ces femmes, comme disait Anne, tirent une part importante de leurs ressources des aides sociales, et qu'il y a un travail à mettre en œuvre pour pouvoir en bénéficier. Alors, d'abord, il s'agit, par exemple, de savoir à quoi on a droit, le RSA, la CMU, les allocations familiales, la retraite, etc., de connaître les montants des aides, de connaître les institutions, la CAF, les ACEDIC, les bailleurs sociaux, les services municipaux, les associations caritatives, etc., etc. Et dans les ateliers, les femmes commentent régulièrement les différentes aides qu'elles peuvent solliciter et elles échangent leurs impressions sur les personnes référentes des structures dans lesquelles elles se rendent. Elles discutent des montants, elles discutent des modalités de demande, elles discutent des possibilités de cumul avec d'autres allocations ou avec d'autres revenus, comme par exemple les revenus du mari. Elles discutent aussi des différentes institutions, des différentes structures qui leur permettent d'avoir des aides pour des aspects particuliers de la vie quotidienne. Par exemple, le conseil régional qui peut donner une aide pour subventionner les vacances, le centre communal d'action sociale auquel on peut aller demander des crédits loisirs pour payer ensuite moins cher des places de spectacle ou emmener les enfants, la CAF qui peut accorder des prêts ou des bourses pour des enfants qui continuent des études. Donc elles ont cette discussion un peu générale, et puis en plus de cette discussion générale, eh ben, il leur arrive de se donner des conseils très concrets sur la manière de demander ou de s'inciter mutuellement à faire les demandes. Et je vais vous dire là un tout petit bout de compte-rendu de terrain, j'en ferai pas beaucoup, mais celui-ci quand même pour commencer. Et on est donc au centre populaire, on est au centre social du Plat, et c'est un échange donc entre plusieurs femmes. Donc Irène annonce que ce matin elle est allée s'inscrire au Secours Populaire pour l'aide alimentaire. Elle explique le principe à Ingrid, qui veut pas y aller, qui hésite. Elle lui dit tu peux, on a des chèques, pour 80 euros, tu payes 12 euros et tu reçois un colis une fois par mois. Mais Ingrid dit que de toute façon, elle n'a pas de voiture. Mounia intervient en lui disant, mais tu peux t'arranger avec les gens qui vont en voiture, ça vaut le coup. Peut-être tu peux t'arranger avec tes voisins. Et Ingrid conclut en disant, mais mes voisins, j'ai pas de voisins, j'ai que des maisons murées. Alors il ne s'agit pas seulement de savoir donc, quelles sont les aides ou allocations possibles, quelles sont les institutions ou les structures qui les délivrent, il s'agit également de faire le travail de papier qui permet de demander ces aides, c'est-à-dire la constitution des dossiers avec, on imagine bien, la panoplie de pièces justificatives. Une fois le dossier établi, il faut l'adresser au bon moment, au bon service, il faut suivre le traitement du dossier, ce qui implique de se déplacer, de demander des rendez-vous. Dans ces dossiers, il faut rendre compte de sa situation ou de celle de sa famille. Parfois, il faut adapter la déclaration, la situation pour rentrer dans les cases. Et on le sait par la bande. Alors, Michel et son mari, par exemple, se déclarent seuls pour toucher un RSA, plus avantageux, ce que la référente RSA sait parfaitement. Wassila a envoyé un papier à la CAF pour expliquer qu'elle s'était séparée de son mari. Mais la CAF renvoie un dossier, c'est le mari qui l'ouvre et il dit que pas du tout, lui, il vit toujours. Là, donc elle est obligée de retourner à la CAF un jour où son mari le sait pas pour justifier la situation, etc. Donc il s'agit voilà aussi de veiller à ce que ce qui a été dû a bien été touché, et Karine va réclamer à l'ancien patron de son mari un arriéré de salaire qui lui a pas été versé. Donc pour ces femmes, il faut connaître les subtilités des catégorisations institutionnelles pour savoir à quoi on a droit, savoir comment on peut contourner la règle. Et par exemple au Secours Populaire, ça a été assez frappant, parmi les bénévoles qui distribuent les colis, et qui sont pour l'essentiel des bénéficiaires, il y a des bénéficiaires de colis de base et des bénéficiaires de colis d'urgence. Les colis d'urgence sont moins intéressants et ils sont attribués à des gens qui peuvent être dans des situations financières éventuellement encore plus difficiles que les autres, mais qui ne peuvent pas justifier de leur situation, par exemple parce qu'ils sont sans papier. Et pendant la distribution, cette distinction engendre des pratiques de récupération en douce, de mise à part de colis qui sont éventrés, qui sont des pratiques qui sont plus ou moins tolérées par les responsables, mais qui sont de toute façon toujours étroitement surveillées. Donc première tâche du travail de subsistance, hein, ce travail de papier, met effectivement bien en œuvre des connaissances, savoir à qui s'adresser et pourquoi, des pratiques, constituer des dossiers, les déposer, surveiller leur traitement, implique des déplacements, prend du temps, met en œuvre des relations sociales et globalement ça fait peser sur ces femmes une charge mentale importante. Ce travail de papier n'est pas clairement genré. Et là, on a des observations qui correspondent aux travaux d'Yasmine Ciblot sur à la fois ses propres enquêtes ethnographiques et puis le travail bibliographique qu'elle a fait. La division du travail peut varier. Ce qui apparaît assez clairement, c'est que les papiers dont s'occupent les femmes, c'est les papiers les plus contraignants et les plus routiniers. C'est la CAF. C'est la CAF, c'est le RSA. Les hommes, les papiers dont ils s'occupent, c'est des tâches plus ponctuelles, plus valorisantes, c'est aller au consulat pour faire les papiers, pour aller passer les vacances au bled. Ce genre de choses. Ça, c'était pour le travail de papier. Deuxième étage du travail de subsistance, ce qu'on appelle le travail de consommation, dans lequel on a mis tout ce qui concerne la gestion du budget, la connaissance des prix, et toutes les pratiques d'achat et d'accès aux ressources. Alors premièrement, forcément, quand on vit avec le RSA, il faut faire un travail très important de maîtrise du budget, et concrètement, Ça veut dire non seulement compter systématiquement, mais ça implique aussi des pratiques plus spécifiques, qui consistent par exemple à limiter le nombre de cartes bancaires dans le couple, ou à conserver les cartes bancaires des enfants majeurs pour limiter les sorties d'argent, qui consistent à faire avec le reste à vivre quatre enveloppes d'argent liquide qui vont constituer le niveau maximum de ressources par semaine. Et Mariam qui nous raconte ça, elle élève seule un fils de 18 ans et elle a 4 enveloppes de 100 euros par mois, et donc elle dit bah, tu penses bien qu'avec ça à la fin du mois on mange pas beaucoup de viande. Et puis ça consiste aussi à chercher des commerçants avec qui on va pouvoir s'arranger pour payer des choses éventuellement en plusieurs fois. Donc du coup ça nécessite une anticipation des entrées et des sorties d'argent, et cette anticipation elle est assez clairement intégrée par les différents membres de la famille, c'est-à-dire que la question de la date à laquelle tombent les allocations, le RSA, la retraite, sont des critères explicites et importants dans les décisions d'achat qui peuvent être éventuellement reportées ou qui vont être étalées quand, par exemple, il s'agit de renouveler les chaussures de tous les enfants et qu'on va acheter une paire par mois et pas toutes les paires en même temps. À échéance plus large, cette capacité d'anticipation, elle se perçoit également dans la mise en place de petites épargnes, notamment en prévision de besoins d'argent pour les enfants. Et c'est le cas de Mabrouka, qui est une de nos enquêtées les plus aisées, qui arrive à mettre de côté, nous dit-elle, 15 euros par mois et par enfant. Elle a 4 enfants qui sont petits au moment de l'enquête, pour quand ils seront grands, hein, pour leur permis ou autre chose. Deuxièmement, donc ces femmes qui connaissent toutes des situations financières difficiles, ont des discussions qui viennent souvent rouler sur la question du coût de ce qu'elles ont à acheter. Alors, le coût des éléments de première nécessité, le chauffage, l'alimentation, la cantine, tout ce qui concerne les enfants d'une manière générale, mais plus souvent encore, le coût d'éléments non quotidiens mais récurrents, les sorties, le coiffeur, les cadeaux, les vacances, les affaires de ski quand l'école organise une semaine, les traitements contre les poux, la gale, les acariens, etc. etc. Le coût également d'événements festifs ponctuels, le mariage, le baptême, les vacances dans la famille, les vacances en Algérie, et puis jusqu'à des discussions sur des pratiques beaucoup plus secondaires, comme par exemple le coût d'un animal de compagnie. Ces discussions-là, c'est un peu comme les discussions sur les papiers. Ce n'est pas des discussions générales et théoriques sur la cherté de l'existence. C'est des discussions dans lesquelles il s'échange des connaissances très pratiques et très précises sur le prix de choses, et donc sur des prix qui ont été repérés et expérimentés. Ce qui, du coup, nous amène au troisième point de ce travail de consommation, qui est le travail d'achat, puis l'accès aux ressources hors des circuits marchands. Donc acheter, ça veut dire savoir où acheter. Et donc les femmes parlent beaucoup des bonnes adresses pour, alors, notamment tous les produits alimentaires. Alors bonnes adresses en termes de prix, mais ce n'est pas systématiquement le critère du prix qui vient en premier, parce qu'il s'agit aussi de trouver de la viande de qualité et pour une partie de nos enquêtés, de la viande qui respecte les prescriptions religieuses. Et elles ont savon sur le domaine, et il ne faut pas la leur raconter sur le meilleur boucher de Roubaix, c'est peut-être le meilleur, mais il fait du halal qui n'est pas vraiment halal, et donc il n'est pas question qu'elles y aillent. Les choses sont très claires là-dessus. Donc, des bonnes adresses qui sont connues, qui sont échangées pour des dépenses de la vie quotidienne, mais aussi pour des dépenses plus exceptionnelles, ou acheter une voiture, ou fêter son mariage, et donc ou acheter les affaires de ski pour les vacances des enfants. Concrètement, ça veut dire que ces femmes se déplacent en permanence et sur un territoire qui n'est pas exclusivement le territoire roubaisien, pour repérer et pour comparer les prix d'abord, et puis ensuite pour acheter. Alors, elles mettent en place, pour l'organisation des achats, elles mettent en place parfois des achats collectifs pour acheter à prix plus bas, alors des fruits, des légumes, de la viande, les fournitures scolaires, et jusqu'à un cas un peu anecdotique et rigolo de location collective d'un étang pour pouvoir y pêcher la truite. Elles achètent aussi en grosse quantité la viande notamment, et ce qui du coup entraîne des pratiques de stock et de congélation, ce qui constitue une forme d'épargne en nature. Et je ne sais plus, on avait... C'est Anna Perrin qui parle d'épargne en nature. Plus simple. Alors, consommer, c'est pas forcément acheter et payer. Il y a aussi de l'accès aux ressources hors des circuits marchands. Alors, il y a l'accès aux ressources par le biais des associations d'aide, comme le Secours Populaire, qui distribue des colis alimentaires. Il y a l'accès à la nourriture aussi, qui est obtenue à la marge des activités du centre social, quand elles y préparent des repas. Par exemple, les repas qui sont préparés dans le cadre de fêtes ou d'actions d'autofinancement, c'est elles qui les font. Et à la fin du temps de préparation, elles mangent sur place, elles font manger leurs enfants sur place, et où elles emmènent des restes dans des tupperwares qu'elles ont amenés pour ça. Et il y a un temps de distribution à chaque membre participant des restes qui est un moment important. Elles récupèrent aussi... Elle récupère alors des vis pour du bricolage, de la laine pour fabriquer des objets qu'on va vendre ensuite, les filets de pommes de terre pour faire des gants de massage, etc. Et puis, elles produisent. Elles produisent et elles échangent alors, de la nourriture, des soins corporels aussi, et des objets qu'elles fabriquent, comme Farida qui va repérer sur le marché des objets, des petites bourses en crochet qu'elle va refaire ensuite pour les emmener au bled en guise de cadeau. Et donc, un peu comme pour le travail des papiers, on voit bien tout ce que ce travail de consommation met en œuvre en termes de connaissances, de pratiques, de déplacement, de temps, de relations sociales. Troisième étage, troisième ensemble de tâches dans le travail de subsistance géré par ces femmes, le travail domestique, l'aspect le plus attendu, c'est-à-dire la cuisine et le ménage. Alors faire la cuisine, préparer à manger, même de façon sommaire, c'est un travail contraignant, qui prend du temps, qui demande des outils, des ingrédients, la connaissance des gestes, et c'est un travail qui contraint, dans la réalisation, contraint très fortement l'emploi du temps, puisque à heure à peu près fixe, il faut lâcher les activités, voire se dépêcher pour aller faire à manger. Et donc, on voit régulièrement les femmes quitter les ateliers avant la fin pour aller faire à manger aux enfants qui mangent assez rarement à la cantine, parce que la cantine est un budget trop important. Pour leurs ressources. Ou celles qui n'ont pas besoin de se presser à la fin des ateliers sont celles qui se sont levées beaucoup plus tôt pour tout préparer avant de venir. Ce travail-là est un travail qui comporte une charge mentale importante, parce qu'il faut l'anticiper et parce qu'il est question de prendre en compte ou pas les goûts de chacun, réfléchir au menu, faire des choses que les enfants aiment, faire des choses que les maris aiment, et c'est pas une mince affaire. Cette charge mentale comporte aussi une part idéologique, à la fois religieuse, pour les femmes musulmanes qui tiennent à manger halal, et ça devient parfois un sacré casse-tête, et diététique, pour la plupart de ces femmes qui connaissent les bons principes diététiques. Hein, on donne à boire de l'eau et pas du coca aux enfants, on ne prend pas de la mayonnaise dans tous les plats, des fruits, des légumes, etc., qui les respectent pas systématiquement, mais qui du coup sont toujours plus ou moins amenées à justifier de manière explicite leurs écarts à la règle. Donc voilà, la cuisine, c'est quand même d'abord une préoccupation quotidienne très contraignante. Et en même temps, c'est aussi un savoir-faire que certaines maîtrisent particulièrement bien, et celles qui le maîtrisent bien, d'une part, ça leur donne une réputation dans le quartier, ça assoit très clairement une réputation et un statut dans le quartier. Éventuellement, ça leur procure un revenu, comme Wassila, qui tenait un restaurant, et puis qui a continué à faire des pâtisseries pour les mariages dans son entourage, mais en fait aussi, on ne sait pas très bien comment, de proche en proche, pas pour la mairie pendant très longtemps, et pour toute une série de notables robésiens. Et puis d'autre part, ces femmes-là, leur compétence culinaire leur donne aussi de la légitimité pour juger de ce qui se pratique au centre social quand elles sont mises à contribution pour préparer les repas festifs et institutionnels. Et dans ces occasions-là, donc on a travaillé avec elles, on a fait le couscous, on a fait la soupe avec elles, elles sont souvent très critiques, souvent assez drôles, et c'est l'occasion de montrer pour elle à quel point elles connaissent évidemment mieux les bons lieux d'approvisionnement, les bons ingrédients, les bonnes recettes, les bonnes pratiques, les bons outils. Et voilà, le centre social, ça va pas. Elles amènent leurs couteaux parce qu'évidemment les couteaux sont pourris, les gazinières sont pas assez fortes, les casseroles sont pas assez grandes, et les travailleurs sociaux se font tomber dessus à bras raccourcis parce qu'ils achètent des assiettes en carton pour le couscous, c'est pas possible. Ils achètent pas la viande là où il faut, ils achètent des pois chiches en boîte alors qu'il faut des pois chiches secs, etc. etc. Voilà pour la cuisine. En ce qui concerne le, en ce qui concerne le ménage, alors on est là sur une tâche qui est exclusivement à la charge des femmes, et certaines peuvent avoir des exigences très très fortes en la matière, donc c'est quand même extrêmement contraignant quand, quand on a comme référence qu'il faut par exemple laver la maison de fond en comble tous les jours. Ce qui du coup les amène quand même à se lever extrêmement tôt. Voilà, on a des enquêtés qui sont debout à 4h du matin pour faire ce travail-là avant, de, avant d'engager le reste. Et c'est des pratiques, alors qu'elles soient ferventes ménagères ou pas, de toute façon, et c'est des pratiques dont il leur apparaît tout à fait normal que ce soit elles qui le fassent. Elles se plaignent parfois du peu de soutien de leurs enfants, mais absolument jamais... question que les maris puissent participer à ces activités-là. Alors, c'est un peu comme la cuisine, on est au cœur des savoir-faire dont la maîtrise est revendiquée par les femmes. Ce qui fait que quand il est question dans les ateliers de ces pratiques-là, et au centre social du plat, il y a un jour une séquence qui est dédiée à la question de la qualité de l'air intérieur et des produits ménagers, avec une animatrice qui vient, elle s'en donne à cœur joie parce que voilà, on est dans leur domaine, elles savent de quoi il est question. Et là aussi, il y a un jeu avec, la, avec les intervenants, avec les travailleurs sociaux, parce que l'intervenante est venue expliquer que forcément c'était mieux les produits biologiques, qu'il fallait fabriquer les choses soi-même et tout, et ils sont là, oui, bien sûr. Elle dit, bon, au final, personne ne le fait parce que c'est quand même plus rapide d'acheter les choses toutes faites, et de l'eau de Javel, on en met tout partout parce que sinon c'est quand même vraiment trop sale. Donc voilà, on est sur un terrain, on est sur un terrain pour elle de compétences visibles. Quatrième ensemble de tâches qui incombe aux femmes, le travail d'entretien de la santé. Pour elle, mais surtout pour leur entourage. Alors les questions de santé reviennent très souvent dans les thématiques des ateliers, plus généralement dans les centres sociaux, parce que ça fait partie des compétences, ça fait partie des missions explicites des centres sociaux que de travailler sur la prévention, et sur les actions de santé. Donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités autour de la prévention santé auxquelles elles participent souvent et assez volontiers, la semaine santé, la semaine contre le cancer, la semaine tout le monde se bouge, la semaine diététique et plaisir, etc. etc. Et alors, elles assistent comme ça à des tas d'ateliers, des fois sous des formes ludiques qui peuvent être un peu décalées. Alors on a fait comme ça la finale avec un concours sous contrôle d'huissier, un final de concours intercommunal de lunettes de toilette décorées dans le cadre de la prévention du cancer colorectal. Des choses qui sont un peu surréalistes. Dans la grande salle des mariages de la mairie de Tourcoing, donc un lieu extrêmement important. Et voilà, donc elles font des choses comme ça. Alors, elles le font avec leur recul aussi. Hein, dans ces occasions-là, il circule des conseils sur les bons professionnels de santé, sur notamment ceux qui prennent la CMU. Et alors, au-delà de l'anecdote, ces lieux-là sont des lieux, enfin ces occasions-là sont des lieux où ils se forment véritablement une forme de collectif et de mobilisation autour de la défense des droits en matière de santé. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail là qui est... Alors, soit initié par les travailleuses sociales, soit soutenu par elles, mais vraiment de monter en puissance, assez explicitement politisé, il s'agit de défendre ses droits, il y a eu un travail, par exemple, de recensement des professionnels de santé qui n'acceptaient pas les CMU, à qui on est allé pourrir la réputation et qui ensuite a fini par changer ses pratiques. D'accord ? Donc il y a des enjeux de rapport de force là qui sont importants. Et puis, en dehors de, enfin en plus de ces activités portées par le centre social, eh ben, il y a tout un tas d'échanges en marge des activités, en marge des ateliers sur les problèmes de santé que ces femmes rencontrent parce qu'elles connaissent elles-mêmes ou dans leur entourage des problèmes de santé souvent importants et récurrents, des AVC, du diabète, des apnées du sommeil, des allergies, des dépressions, de l'obésité, etc. etc. Et les ateliers des centres sociaux sont ainsi des espaces où vont s'échanger donc à la fois des informations sur comment on va, sur des nouvelles, mais aussi des conseils de prévention, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la tension, quand on a du diabète, comment il faut se brosser les dents, comment on soigne les poux, enfin, les acariens, etc. Avec un mixage entre... avec un mix entre les normes médicales officielles et puis des trucs, des recettes personnalisées, un peu en dehors des sentiers de la médecine traditionnelle. Hein? Et comme pour les autres aspects du travail de subsistance, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est pas seulement du discours et des connaissances échangées, c'est aussi des pratiques. Ça se décline en pratique très concrètement. Ça implique des déplacements sur le territoire, parce qu'on a recours à tel professionnel plutôt que tel autre, et là très clairement on va déborder le territoire roubaisien, par des gestions de budget, des anticipations d'hospitalisation, etc. etc. Dernier volet, et non des moindres, du travail de subsistance pris en charge par ces femmes, le travail parental et la gestion des enfants, puisqu'on a donc affaire à des mères qui, pour la grande majorité, ont encore des enfants à charge, alors des tout petits jusqu'aux jeunes adultes, et donc des enfants qui reviennent très souvent, là aussi, dans les discussions. Alors, pour la même raison que en ce qui concerne la santé, c'est-à-dire que la parentalité, le soutien à la parentalité fait partie des missions explicites des centres sociaux, donc il y a des ateliers autour de la parentalité, alors la séparation avec les tout-petits, la gestion des adolescents, des activités proposées aux familles, etc. etc. Et puis également parce que les centres sociaux sont un lieu de prise en charge des enfants. C'est là que se gère le temps périscolaire, les centres de loisirs pendant les petites vacances, les activités, les sorties, et les animations spécifiques pendant les grandes vacances. Et donc les intervenants professionnels et puis les femmes connaissent le plus souvent les enfants des unes des autres. Donc dans le centre, elles parlent de quoi elles parlent de leur relation avec l'école notamment, mais aussi de toutes les activités qui vont permettre de gérer les enfants en dehors du temps scolaire, et puis d'une manière générale des règles éducatives et des difficultés à les mettre en œuvre. Alors les relations avec l'école, donc le travail de parents d'élèves, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour ces mères, être parent d'élève, c'est quand même souvent gérer des rapports compliqués avec l'école, voire parfois franchement conflictuels. Une partie de ces femmes ont des enfants qui ont des difficultés scolaires importantes, difficultés, problèmes d'apprentissage qui peuvent les amener à fréquenter des classes spécifiques type déscolarisation, comportement violent à l'école, etc., etc. Et donc elles ont d'abord à gérer des difficultés avec l'école, et c'est elles qui sont au front, c'est elles qui vont en conseil de discipline, c'est elles qui vont voir les profs, c'est elles qui essayent d'arranger les choses. Avec non seulement donc le travail pratique, mais aussi la charge mentale, l'inquiétude que ça provoque, d'essayer de comprendre les attendus de l'école, d'essayer de dénouer les problèmes qui ont été rencontrés, etc. Et puis comme il n'y a pas que des problèmes à l'école, il est aussi question de toutes les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour aider son enfant. Et on voit bien qu'elles ont une connaissance très claire des attentes scolaires envers les parents, et qu'elles les mettent en œuvre dans des gestes très quotidiens, couvrir les livres, vérifier que les devoirs sont faits, y compris quand on ne peut pas aider l'enfant parce qu'on ne maîtrise pas la langue, faire le cartable avec l'enfant, lui raconter des histoires, s'intéresser à ce qu'il fait, l'emmener chez l'orthophoniste, l'inscrire à l'aide aux devoirs, etc. etc. Très clairement, pour une bonne partie des femmes, ce n'est pas seulement un discours de façade visant à montrer une espèce de bonne volonté éducative au groupe, mais il y a un vrai travail de suivi avec des discussions, des arbitrages à faire, notamment sur le choix des écoles, et en particulier sur le choix entre le privé et le public, qui est quand même une grande affaire à Roubaix, puisqu'on a la moitié des enfants qui sont scolarisés dans le privé, et des établissements privés qui sont aussi dans des quartiers populaires, d'accord ? Donc une distinction privé-public qui n'est pas simplement une distinction de classe supérieure dans le privé et les autres dans le public. Donc des discussions sur le choix des écoles, sur la préférence privée-publique, des questions sur les méthodes d'apprentissage pour les enfants, et puis des inquiétudes sur l'orientation, leurs chances, leurs possibilités de réussite, etc., etc. Et pour finir sur l'école, il y a enfin une autre responsabilité qui incombe aux femmes, qui est de savoir où sont les enfants sur le chemin de l'école. Et la question de la surveillance des déplacements et des temps de passage entre le domicile et l'école est un enjeu important, est un enjeu qui génère beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que les enfants sont en sécurité? Est-ce qu'ils ne sont pas hors surveillance? Est-ce qu'ils ne sont pas en position de faire des bêtises? Est-ce qu'ils ne sont pas en position de rencontrer les mauvaises personnes? Ça c'est pour l'école. Et puis en dehors de l'école, les enfants, il faut leur trouver des activités. Alors il faut soit les occuper à la maison, soit leur trouver des activités dans le quartier, hors du quartier, hors de Roubaix. Et alors par exemple, toutes les activités qui sont proposées par le centre sont toujours, la première réaction des femmes, c'est toujours de demander est-ce que les enfants vont pouvoir venir, est-ce que c'est de leur âge, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça va coûter moins cher pour eux, etc. etc. Ce qui fait que pour ces femmes-là, les possibilités de sortie sans les enfants sont à peu près strictement limitées au temps scolaire et qu'il faut des négociations assez compliquées avec les pères pour pouvoir être en sortie en journée entière. Alors, il faut aussi gérer les sorties hors celles que propose le centre, chercher, décider des lieux de vacances, et par exemple, une discussion sur les colonies de vacances, à quel moment on peut envisager d'envoyer les enfants, est-ce que c'est bien pour les enfants, quels sont les risques, comment le faire, qui va les surveiller, et ça, on voit bien comment ça met en jeu les possibles délégations de la surveillance maternelle, et c'est pas facile. Et puis, enfin, le travail parental implique de poser des règles et de parvenir à les faire respecter. Et dans les discussions des femmes et dans ce qu'elles racontent de leur pratique au quotidien, la question des récompenses et des sanctions, et notamment des punitions corporelles, est un thème récurrent. Alors, à ce sujet-là, deux remarques. D'abord, c'est un sujet sur lequel les femmes font souvent état d'un grand désarroi, d'inquiétude assez profonde, et le collectif de parole qu'elles forment, à ce moment-là, est très clairement un lieu où il est possible de se lâcher, de trouver une écoute bienveillante, des conseils, où les femmes vont s'impliquer personnellement dans la recherche des solutions et des choses comme ça. Donc là, on a une forme de réseau de soutien sur lequel Anne reviendra. Un deuxième petit bout de terrain. On est encore au plat, on est encore au centre social du plat, et c'est Séverine qui parle. Séverine, elle a 9 enfants, et elle dit 9 enfants, c'est dur. Et toi, t'as vraiment envie de les claquer. Pourtant, depuis l'âge d'un an, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous la télé dans leur chambre, on a 3 ordinateurs, et ma grande de 15 ans, tu lui feras pas mettre un jogging de marché. Il faut des marques, de la Adidas, des Nike. Je sais bien que je leur passe tout. Et Mathia dit, mais il ne faut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Sandrine a dit, je sais bien, mais je suis trop fatiguée. C'est pour ça qu'ils ont la télé et l'ordinateur. Je dis toujours oui. Je sais qu'on ne s'en sort plus. Mais est-ce qu'on doit dire oui, si on doit dire non, si on doit mettre une claque? Moi, ils n'ont pas de limite. Ils mangent à l'heure qu'ils veulent, ils se servent dans le frigo. Nesrine dit, si tu ne leur donnes pas de règles, tu ne les aides pas à s'émanciper. Et Mathia explique, elle dit, moi j'ai 3 enfants, franchement, il faut savoir dire des choses. L'autre jour, on était au restaurant, il y avait l'autre là, avec ses 9 enfants à table, il n'y en avait aucun qui bougeait. Ils étaient sages, c'était incroyable, je ne sais pas comment elle fait, il n'y en avait pas un qui bronchait. Ils sont polis. Moi j'en ai 3, j'ai passé mon temps à dire aux petits de revenir à table, de ne pas crier. C'est compliqué, hein. Mais je lui disais, non, tu ne touches pas à ça, tu reviens ici. J'essayais de poser des limites. Première remarque. Deuxième remarque, les pères, hein, dont il a été assez peu question. Alors les pères sont une sorte de référence théorique concernant les règles. Alors c'est une référence qui est mobilisée par les travailleuses sociales notamment. Et puis effectivement, il y a une sorte de principe théorique d'autorité paternelle qui est reconnu par les femmes. Mais quand elles racontent concrètement les choses, on perçoit bien quand même que le rôle de gestion des enfants et les difficultés que ça pose, c'est à elles qu'il leur revient. Et l'action des pères est désirée pour aider à poser des limites aux enfants, mais ça pose aussi problème quand, par exemple, ils ne mettent pas en œuvre les mêmes normes éducatives que leurs femmes. Et c'est Scheherazade qui nous raconte qu'elle a eu des problèmes avec son adolescente, donc elle voulait la punir, et son père a dit « Ah bah oui, pour la punir, je vais l'emmener au Maroc avec moi ». Donc Scheherazade a trouvé que c'était quand même une drôle de punition, parce que normalement, c'était elle qui devait aller au Maroc avec son mari. Donc elle voulait, par exemple, que son père la prive de portable et de tablette. Donc il a fallu discuter là-dessus, et c'était... Voilà, moi j'en ai fini avec la description des tâches, et je repasse donc la parole à Anne. Donc, parler de l'ancrage local des pratiques. Je vais essayer d'aller assez vite. D'abord en vous expliquant comment est-ce que ces pratiques elles s'ancrent localement, pour ensuite s'intéresser à quand est-ce qu'elles se déroulent. Ensuite on passera à la deuxième partie sur la fragilité de ce qui peut être qualifié de routine et pourquoi est-ce que ça, la définition mérite d'être un peu étendue par rapport à ce qu'on avait en tête au début. Alors, ces pratiques, donc elles s'ancrent localement, à la fois dans un réseau relationnel et puis sur le territoire. Donc déjà dans ce qu'a raconté Blandine, on voit en partie cette question du fait que la fréquentation du centre social, c'est un appui pour la réalisation des différentes tâches qu'a évoqué Blandine, qui sont constitutives du travail de subsistance, par des discussions, des informations qui s'échangent, bref, par une forme de réseau de soutien qui permet d'aborder à la fois des questions très pratiques, mais aussi des sujets assez intimes, parfois assez difficiles, et dans ce qu'on a observé, globalement, toujours dans une ambiance relativement bienveillante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit ou de désaccord, mais globalement, la parole dans ces espaces-là est accueillie de façon extrêmement compréhensible. Notamment, alors, une des raisons pour lesquelles il y a ce degré de confiance entre elles, c'est que pour une partie d'entre elles, elles viennent au centre social depuis très longtemps, 10, 15, 20 ans, et qu'elles se connaissent non seulement par les ateliers où nous on les voit, mais aussi par d'autres ateliers auxquels elles participent, et puis par la fréquentation, leurs enfants vont dans les mêmes écoles, font du sport ensemble parfois, bref, le degré d'interconnaissance entre elles est assez fort, elles sont voisines, et donc elles se croisent régulièrement. À la fois, leur capital social ne se résume pas à ces centres sociaux, mais ces centres sociaux sont un espace où ce capital social s'entretient, se développe. Et le réseau relationnel qui se crée dans ces centres sociaux est entretenu et est vraiment une ressource face aux difficultés à gérer, que ces difficultés soient quotidiennes ou plus exceptionnelles. Dans tous les cas, il est possible de les partager, de revenir dessus, de demander des conseils, etc. dans le cadre de ces centres sociaux, c'est parfois aussi des espaces où on peut demander de l'aide, par exemple quand un proche se fait hospitaliser, etc. On peut trouver des ressources assez pratiques d'entraide pour l'usage d'une voiture, ou la garde des enfants, ce genre de choses. C'est également, donc, de ce point de vue d'un réseau d'entraide, un espace qui peut être un espace de mobilisation collective, ce qui a été observé donc, au plat. Où il y a cette mémoire d'une mobilisation passée contre la fermeture d'une crèche associée au centre. Alors, ce sont des pratiques ancrées localement parce que leur capital social se développe autour de ces centres sociaux et puis parce que les pratiques que Blandine a évoquées, elles ont lieu et elles se déploient sur le territoire roubaisien, mais pas uniquement, avec là des variations notables entre les deux centres sociaux qu'on a observés. On peut expliquer ça aussi en fonction des caractéristiques que j'ai évoquées en introduction sur le fait que ce n'est pas exactement les mêmes femmes dans les deux centres sociaux. Et donc, dans le centre social du Plat, le territoire de référence des femmes, c'est le quartier, qui est aussi le zonage géographique du centre social. Éventuellement Roubaix, largement, mais avant tout le quartier, et la plupart d'entre elles semblent sortir assez rarement de Roubaix, y compris quand est évoquée Villeneuve-d'Ascq, qui est la ville où se situe notre université, donc on travaille, qui est située à une quinzaine de kilomètres. Certaines n'en ont jamais entendu parler, ou en tous les cas n'y sont jamais allées, c'est complètement inconnu. Et aller à Lille semble assez peu fréquent pour la plupart d'entre elles, et quand il y a des activités qui sont organisées à Lille, c'est un peu une expédition, qu'il s'agisse d'y aller en transport collectif ou en transport en commun, ou en tous les cas, il y a vraiment un enjeu d'organisation parce que c'est en partie un peu terra incognita. Et du coup, pour ces femmes-là, se déplacer pour les courses, notamment celles qui comportent des charges lourdes, l'eau, etc., ou se déplacer pour les activités des enfants, ben, c'est compliqué. Et donc ça implique de s'organiser pour, alors d'une part, en utilisant beaucoup leurs pieds, en empruntant les transports en commun, en empruntant des systèmes de taxi solidaires, et puis les voitures des uns ou des autres, des voisins, bref, en s'organisant pour pouvoir se déplacer, et donc plutôt dans des occasions qui sortent de l'ordinaire. Ou alors d'être extrêmement dépendante de la disponibilité de leur mari, qui est celui qui, quand il y a un véhicule, a le permis de conduire. Alors qu'au centre social du Bout, les communes limitrophes à Roubaix sont complètement intégrées dans les pratiques, notamment de consommation, malgré des contraintes fortes qui sont les mêmes. Hein. Dans les deux centres sociaux, il n'y a pas plus de voitures dans l'un que dans l'autre, mais les différentes opportunités du territoire sont plus mobilisées dans le cadre d'un des terrains que dans l'autre. Au point que certains achats se font en Belgique, alors Belgique est juste à côté, hein, on est à quelques kilomètres, les communes limitrophes de Belgique, elles entrent dans le territoire des possibles pour la consommation. Elles comparent le prix des différents supermarchés, elles connaissent le prix de la viande dans les différents endroits, du quartier de Roubaix et au-delà. Blandine l'a dit, il y a des achats groupés, enfin bref. Et tout ça se fait parce qu'il y a une surveillance de l'évolution des prix dans les différents endroits, notamment grâce au prospectus des supermarchés qu'elles lisent attentivement, et du coup elles suivent là où il y a des bonnes affaires et elles y vont. Donc il y a vraiment un travail de surveillance et de déplacement pour accéder à certains biens de consommation dans les meilleures conditions possibles. Donc ces femmes, à la fois parce qu'elles entretiennent un réseau d'entraide et puis parce qu'elles connaissent très bien le territoire, elles sont connues et reconnues de fait comme des gens de porte-parole un peu du quartier, comme des interlocutrices privilégiées pour les pouvoirs publics, pour, de façon générale, les acteurs qui s'intéressent à l'implantation de services dans le quartier. Et ça peut se traduire par un surcroît de travail pour elles, parce que du coup elles sont sollicitées dans les nouveaux espaces qui se créent. Par exemple, dans le quartier du Plat, il y a toute une opération de rénovation urbaine, donc il y a une maison un espace collectif lié à ça, et donc elles sont invitées à venir partager leur connaissance du territoire, leurs souhaits, leur avis, etc. Ça leur apporte de la reconnaissance, mais c'est aussi des sollicitations supplémentaires à intégrer à leur emploi du temps. Transition parfaite sur quand est-ce que se déploient ces pratiques. Donc ces pratiques de travail de subsistance, ce sont des pratiques routinières, au sens de répétitives, intégrées au quotidien. Et donc faire le ménage, faire les courses, s'occuper des enfants, non seulement ça arrive de façon répétée, mais de façon quotidienne. Donc c'est une répétition très qui scande vraiment leur vie. Donc ces pratiques-là sont routinières au sens de répétitives et intégrées au quotidien. C'est également le cas des activités du centre social, puisque les ateliers dont on vous a parlé, donc qu'il s'agisse de parentalité, de discussion, etc., ils sont à horaire fixe, souvent un jour fixe de la semaine. Et donc, ça crée une forme de routine dans l'emploi du temps, parce que le mardi, il y a ça, le mercredi, il y a ça, le jeudi, il y a ça. Donc, à la fois les horaires, mais aussi les thèmes qui reviennent régulièrement, sont eux aussi, engendrent aussi une forme de récurrence dans les sujets de discussion abordés au centre social. Plus le fait qu'il y a un rythme de l'année, tous les ans à la même période, il y a la semaine de la santé, tous les ans à la même période, il y a la fête des voisins, enfin, ce genre de récurrence des événements qui revient toutes les années. Et du coup, la participation aux sciences sociales, si elle amène toutes les ressources qu'on a déjà évoquées, elle complique aussi très grandement l'organisation de la vie quotidienne, puisque quand elles participent à plusieurs ateliers, elles peuvent avoir déjà des conflits horaires entre des activités liées au centre social. Et puis, il faut qu'elles articulent ces différentes activités avec les routines qui sont celles de l'espace domestique. Et donc, du coup, ça produit une charge pour elles, qu'elles évoquent souvent, et régulièrement, elles répètent toutes les choses qu'elles ont à faire et qu'elles ne doivent pas oublier. Et cette charge, elle est d'autant plus forte qu'il faut gérer les imprévus. Donc les problèmes avec l'école, avec la maison, la chaudière, les fenêtres, bref, tout ce qui peut venir en plus des tâches habituelles. Mais la possibilité de se dégager de cette charge en posant les choses par écrit ne va pas du tout de soi. La tenue d'un agenda, qui pour nous est complètement naturalisé, n'est pas du tout une pratique évidente pour elles, et pas seulement pour celles qui auraient des problèmes d'écrit. C'est-à-dire, c'est pas le seul problème, enfin, c'est pas le seul obstacle au fait de tenir leur emploi du temps par écrit. L'agenda n'est pas un objet familier, et c'est un objet qui fait l'objet de discussions explicites entre elles sur comment est-ce qu'on peut s'en procurer un, ou comment est-ce qu'on en tient un. Comment est-ce qu'on n'oublie pas d'y noter des choses, certaines notes pour d'autres, bref, donc la tenue d'un agenda, c'est aussi un enjeu, et un enjeu qui montre l'étrangeté de l'objet et le fait que sa maîtrise n'est pas une ressource partagée et parfois n'est pas une ressource du tout. Et donc pour conclure sur ce point, et sur cette première partie, la deuxième est vraiment très courte, on peut dire que l'accumulation des tâches et la nécessaire prise en compte des demandes et des besoins familiaux et institutionnels, de même que les imprévus, ça façonne leur rapport au temps, et que ce temps féminin, c'est un temps de la disponibilité, avant tout, et qu'à les voir et à les entendre, on s'aperçoit qu'il y a très peu ou pas de temps pour elles, que le temps pour elles, il doit vraiment se chercher dans les marges de tout ce qu'elles font par ailleurs, et que le soin qu'elles apportent aux autres, que ce soit la famille, le centre social, les voisins, les amis, c'est ce qui est premier, et que le soin de soi est éminemment secondaire, ce qui conduit certaines à de véritables violences contre elles-mêmes. On parlait du manque de sommeil et de problèmes de santé non traités. Donc ces routines de travail, de subsistance, elles sont structurellement instables. La seconde partie du propos donc revient à relativiser cette notion de routine au sens de répétition pour parvenir à une définition qui prend en compte le fait que la routine, c'est aussi la normalisation de l'invention, de l'adaptation dans le quotidien à ces événements disruptifs de ce qui peut paraître comme la normalité, la répétition, mais qu'en fait, pour elle, la normalité, c'est aussi tout ce qui a l'air de sortir de l'ordinaire parce qu'elle s'y adapte en permanence. Donc leur quotidien, il est fait de multiples obligations répétées, mais que cette répétition, ça ne suffit pas à pérenniser des activités pour lesquelles il faut toujours négocier, d'une part, et puis qu'il y a des facteurs externes de rupture, d'autre part. Donc sur les négociations qui sont nécessaires à l'établissement et au maintien de ces routines de travail, sur la question du temps et des contraintes horaires, il faut qu'elle négocie les différentes dimensions de ce travail de subsistance, parce que donc, si l'ensemble des activités qui ont été énumérées, elles relèvent pour nous du travail de subsistance, elles ne produisent pas toutes les mêmes bénéfices pour ces femmes, et elles les exposent de fait, pas de la même façon, à la réprobation ou au contrôle, notamment de leur mari. Dans ce travail de subsistance, il y a effectivement des dimensions qui leur procurent une relative autonomie. Et pour le dire rapidement, c'est à peu près tout ce qui tourne autour des centres sociaux, puisque ça les sort de leur domicile. Ce sont des activités, des discussions qu'elles ne font pas sous le regard de leur mari, qu'elles font rarement sous le regard de leurs enfants. Parfois, leurs enfants sont présents, mais pas du tout le temps. Et puis, il y a d'autres dimensions qui les assignent plus directement à l'espace domestique, le ménage, les courses, la cuisine, notamment. Et donc, les premières dimensions, celles qui les sortent de l'espace domestique, ce sont, au moins symboliquement, celles qui s'apparentent le plus à une forme de travail salarié. Et du coup, elles rentrent en conflit avec les dimensions plus domestiques, et on se retrouve avec des conflits qui ressemblent de façon très proche à ce qui se pose en termes de conciliation vie professionnelle, vie familiale, et c'est comme ça que ça se pose pour elle au quotidien. Et cette conciliation, le plus souvent, elle se fait en faveur de la vie familiale. Et du coup, la participation de ces femmes aux ateliers, elle est soumise aux aléas de leur emploi du temps domestique, en particulier en ce qui concerne les enfants, puisque c'est systématiquement elles qui en retrouvent la charge s'ils sont malades ou s'il y a grève, par exemple. Et donc du coup, même le temps habituellement scolaire, c'est pas un temps qui est garanti pour la participation aux activités du centre ou pour la sortie du domicile, parce que tout dépend si cette scolarisation effectivement a lieu ou pas. Ce n'est pas une contrainte qui est euphémisée, elle est supportée comme une évidence par ces femmes, et elle fait l'objet des premières questions qui sont posées quand il est question d'organiser une activité ou une sortie, c'est-à-dire les horaires. Et donc les activités, les sorties, elles sont la plupart du temps, quasiment tout le temps, calées sur les horaires des écoles du quartier, qui ne sont pas tous les mêmes. Donc, du coup, ça réduit le périmètre temporel disponible entre les enfants qui rentrent le plus tard à l'école et puis ceux qui en sortent le plus tôt, on vise au milieu. Et puis au-delà des enfants, il y a aussi toutes les périodes d'augmentation des activités liées à l'entretien de la famille qui expliquent et justifient une moindre fréquentation du centre ou des absences. C'est par exemple le cas quand les voyages au bled se préparent et qu'il faut acheter tout un tas de choses pour ramener à la famille, ou qu'il faut prendre en charge un parent âgé ou un conjoint malade. Et du coup, voilà, ces événements familiaux-là font qu'on on sort moins du domicile. Et puis, c'est clairement avec les maris qu'il faut négocier la possibilité de passer du temps au centre, et ça, c'est un travail permanent. Maris qui sont peu conscients de la lourdeur des tâches qui incombent à leurs épouses au quotidien, et c'est parfois surtout ça qui leur pèse. Ces femmes, c'est le sentiment que leurs maris ne comprennent pas à quel point elles ont un tas de choses à faire. Mais pour autant, elles n'en attendent pas grand-chose de leur mari, au sens elles ne se plaignent pas du fait qu'ils ne contribuent pas plus à leur travail, mais elles souhaitent une reconnaissance un peu plus explicite. Et du coup, l'enjeu pour elles, c'est pas tant de mettre leur mari au travail, c'est pas ça l'enjeu, c'est plutôt de s'aménager des marges qui rendent cette division inégale du travail domestique plus supportable et aussi plus efficace. Et donc, par exemple, la présence du mari au domicile, qui est fréquente et qui est aléatoire, puisque les maris ont souvent des situations d'emploi précaires, elle a des effets ambigus. Donc l'absence du mari de Farida, par exemple, qui est parti au bled, oblige Farida à effectuer toutes les démarches d'opticien seul, et elle trouve ça pénible. Mais la présence du mari de Zoubida et de sa famille à tous les repas la stresse, parce qu'il faut qu'elle conçoive des menus de façon plus exigeante que d'habitude. Le travail salarié du mari de Mabrouka l'empêche de la conduire un peu partout tout le temps. Et puis Faïza apprécie que son mari s'occupe de la discipline des enfants quand il est là, mais elle reconnaît, et toutes s'accordent plus ou moins là-dessus, qu'un homme à la maison, c'est pénible. Et donc, au-delà même du temps nécessaire à l'accomplissement du travail de subsistance, on sent bien que pour certaines, c'est le prolongement même de la présence au centre et la forme de liberté que cela procure aux femmes qui pose problème à leurs époux. Et donc, par exemple, la présence de Sherazade est très explicitement liée à sa soumission à l'autorité de son mari. Donc, il y a des récits sur la façon dont elle s'était un peu enhardie dans ses interactions avec son conjoint suite aux discussions entre femmes au centre social. Donc, elle était revenue chez elle pleine de volonté de mettre en pratique un petit peu ce qu'elle avait échangé avec les autres femmes de l'atelier. Et du coup, la fréquentation du centre lui avait été interdite pendant plusieurs semaines, puis accordée sur des activités spécifiques, de sport par exemple, mais pas de discussion. Et donc, si sa situation à elle est particulièrement tendue parmi toutes nos enquêtées, globalement, elles sont plusieurs à devoir négocier, à faire des compromis conjugaux qui sont fragiles. Régulièrement, ces discussions reviennent sur « j'étais pas là parce qu'avec mon mari, là, c'était pas trop négociable, etc. » Donc, en fait, de routine, on a, notamment concernant la part de travail de subsistance qui sort le plus les femmes de leur cadre domestique, des activités répétées habituelles qui ne sont pourtant jamais admises comme allant de soi pour leur entourage et qui impliquent, pour que ces activités même existent, des formes d'invention, d'adaptation avec d'autres dimensions du travail de subsistance. Et ces routines, elles sont à la merci de remises en cause et de ruptures. Alors, des ruptures qui peuvent être liées à des événements biographiques personnels, je l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas y revenir, mais juste pour souligner que ces injonctions, elles soulignent à quel point elles ont des fonctions multiples, ces femmes. Elles sont mères, elles sont épouses, elles sont sœurs, elles sont belles-sœurs, elles sont belles-filles, elles sont usagères du centre social. Et cette multiplicité de fonctions dans le monde du travail salarié, elle serait valorisée, y compris elle pour plaisanter, il y a Farida qui dit qu'elle a un emploi du temps de femme d'affaires. Alors que dans leur cas, c'est plutôt le signe que ça multiplie les référentiels de domination, au point de devenir parfois insupportable et du coup de provoquer des ruptures de routine qu'on observe, qui fait que certaines femmes disparaissent des ateliers. Y compris nous prenons un peu au dépourvu, c'est-à-dire des femmes qu'on voyait comme des piliers de ces ateliers ou des centres sociaux, qui très brusquement arrêtent de venir, ce qui 15 jours auparavant paraissait totalement inenvisageable, à la fois pour elles et puis pour nous, observatrices extérieures. De manière moins tragique que les événements familiaux, les événements de santé, etc., les changements résidentiels ou de situation professionnelle sont aussi des motifs de rupture assez nets pour ces pratiques qui sont inscrites dans le territoire du quartier et dans les rythmes quotidiens des marges du salariat. Donc s'il y a déplacement géographique ou nouveau rythme lié à du travail salarié qui peut être celui de leurs enfants, de leur mari, etc., ça remet en cause leur fréquentation du centre et c'est les dimensions du travail de subsistance qui sont liées à leur sortie du domicile. Plus largement, l'organisation de la vie quotidienne de ces femmes, elle est soumise aux aléas des politiques publiques dont elles sont largement dépendantes. Alors c'est le cas des politiques de tout ce qui est nouveau rythme scolaire à la rentrée 2013. Ça va bouleverser l'organisation des ateliers d'une part et puis la participation de ces femmes aux activités du centre de façon d'autant plus compliquée que les écoles publiques de la ville vont d'abord réserver les activités périscolaires aux enfants dont les parents travaillent. Du coup, les enfants sortent plus tôt de l'école, alors que les écoles privées, donc très présentes sur le territoire, on l'a dit, ne sont pas concernées par cette réforme. Donc du coup, déjà que les enfants vont dans des écoles différentes, avec des horaires qui déjà n'étaient pas les mêmes, là, les différences d'horaires deviennent beaucoup plus importantes et du coup leur demandent une gestion de l'emploi du temps encore plus compliquée qu'avant, parfois au sein d'une même fratrie. Les politiques de rénovation urbaine, par exemple, interrompent leur organisation quotidienne quand ça implique des nouvelles activités ou quand ça les soumet à la curiosité de nouveaux interlocuteurs, architectes, bureaux d'études, etc., qui les interrogent, qui prennent donc pour les nouveaux projets d'aménagement. Et puis les centres sociaux eux-mêmes, la pérennité des activités, elle est liée au financement, et notamment au financement CAF, et donc en fonction des priorités de politique publique, et dans des ateliers axés, pour un exemple, un atelier axé sur la parentalité et plutôt sur les adolescents, et donc du coup concernant les femmes ayant des enfants adolescents, l'année suivante devient pour les petits-enfants. Et donc du coup, celles qui avaient cet espace-là pour échanger, elles ne sont plus cœur de cible pour la nouvelle orientation du financement CAF. Et du coup, de ce point de vue, en fait, on peut établir un parallèle entre leur travail de subsistance, donc qui est soumis aux aléas des politiques publiques, un petit peu comme l'emploi peut être soumis aux aléas des licenciements, avec un rapport aux acteurs qui décident de ces aléas qui est assez similaire, c'est-à-dire que les agents administratifs, les décideurs politiques qui décident de ça sont extrêmement lointains, et puis les agents de proximité qui les appliquent, on retrouve un petit peu les mêmes configurations que quand la décision de fermeture d'un lieu de travail est prise à l'étranger avec une direction locale qui l'applique, et l'absence de contrôle pour elles sur ce type de décision est à peu près du même ordre. Et donc en conclusion, on peut dire que ce qui est de l'ordre du routiné et de l'exceptionnel pour ces femmes, c'est pas exactement la même chose que ce qui est de l'ordre du routinier, de l'exceptionnel pour nous enquêtrices, il importe de distinguer là où on trouve de la routine comme attendue, par exemple pour le travail domestique ou le travail parental, et puis là où on s'attendait à trouver de l'événement, et où en fait On trouve de la routine, donc, par exemple les problèmes de santé, les difficultés scolaires, les changements de situation socio-professionnelle, que nous, enseignantes, alors je parle au féminin, là, pour, mais enseignantes chercheuses de classe moyenne supérieure, que nous on vit comme des événements irruptifs, susceptibles de remettre en question la vie quotidienne et qui pour elles s'intègrent dans leur quotidien avec du coup une forme de routinisation de la précarité ou de la fragilité une dimension d'adaptation et d'invention qui est un élément intrinsèque de la notion de routine pour ces femmes. Et du coup, ça nous a amené à nous interroger sur les effets de l'observation, les effets de notre position sociale, sur ce qu'on observait, et puis dans quelle mesure est-ce que notre dispositif d'enquête, il créait pas l'impression d'une routine immuable, d'une part parce qu'on a l'impression qu'elles ont toujours été là, ces femmes, parce que nous, on vient plusieurs fois par semaine pendant quelques semaines consécutives, sauf que quand on revient 6 mois après, tout a bougé. Donc du coup, pendant une période de danse de terrain, on a l'impression que ça roule, que ça a toujours été comme ça, avec des rythmes très établis, etc. Puis en fait, quand on revient quelques mois après, plus du tout. Et puis par ailleurs, par un effet d'enquête qui est lié aussi au fait que dans les entretiens, elles racontent très facilement leur parcours et les accidents qui les jalonnent avec une forme comme ça de circularité. Et on pense que c'est lié au fait que notre questionnement, il n'est pas si différent de celui des travailleurs sociaux auxquels elles sont très habituées à raconter leur quotidien pour activer leur droit et pour justifier de, leur accès à certaines prestations sociales. Et du coup, cette idée que la routine, ça, elle peut être créatrice, qu'elle peut être adaptation, etc., elle nous renvoie à des questions que nous ressassons entre nous quant à la possibilité d'une forme de récupération néolibérale de notre analyse. C'est-à-dire qu'on voulait montrer que les pauvres ne sont pas que des assistés, mais au final, est-ce qu'on ne montre pas que les pauvres arrivent à se débrouiller avec le peu qu'on leur octroie? Et du coup, ça pose un enjeu éthique et politique qui n'est pas simple quant à la visibilisation de ces pratiques invisibles. Et qui, du coup, souligne l'importance pour nous de ne pas s'en tenir à une vision binaire qui opposerait d'un côté répétition aliénante et de l'autre routine créatrice, mais d'intégrer les limites, les contraintes, les paradoxes de ces routines créatrices en montrant à quel prix est-ce qu'elles se mettent en place, notamment avec ces phénomènes de négociation permanente, jusqu'à quand est-ce qu'elles tiennent, en fonction de la fréquence et de la gravité des ruptures, dans quelles limites elles s'inscrivent avec... le fait qu'il y a certes adaptation-création, mais dans le respect notamment des normes de genre, et autrement dit, sur le fait qu'il est important dans l'analyse de maintenir une vision dialectique entre dépendance et autonomie, entre reproduction et création. Et je m'arrête. Merci beaucoup.